T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. On peut presque dire bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il va bientôt faire complètement noir sur tout le Luxembourg, sur Chiffrange et partout où vous nous écoutez, en tout cas dans l'hémisphère nord. C'est Planète Indie pour notre épisode numéro 379. Nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour partir. Eh bien, la découverte du meilleur de la musique indépendante, du meilleur de la musique alternative, vous en avez pris l'habitude maintenant. Donc évidemment, on aura pas mal de nouveautés à vous proposer aujourd'hui. On écoutera Giulia Milanta. On écoutera quoi d'autre? Lyndon Rivers, on écoutera Drew Beats, ce sont toutes des nouveautés. Gerard Fink d'ici quelques minutes. Et puis pour commencer cette émission, je vous propose d'aller à un pays où il fait bon maintenant, c'est l'été chez eux, c'est dans l'hémisphère sud, c'est en Amérique du Sud, c'est au Brésil du côté de Rio de Janeiro. Vous allez voir qu'ils ne font pas que de la samba là-bas, ils ont aussi des groupes de rock. Celui-ci s'appelle Balba et le morceau qu'ils nous interprètent c'est One Man Army. Et puis après cela, on écoutera John Rice avec Like et King. Restez bien avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 donc. C'est Planète Indie et on va tout de suite du côté de Rio avec Balba et One Man Army. Everybody's on the run. Run for your life, sir, come undone. You've got me shooting with a gun. At all those fun, I have been fun. I think that I should let you know. Is there some fear in your soul? Then all you people never grow. And your brows will never glow. Shining tears are gonna show what's underneath this goddamn soul. But I can play some rock and roll to make these awkward feelings go away. Never seen. Stop blaming you or everything. Instead of blame my melody. So why shoot myself with a gun? Without it I just came undone. I'm sure I can't do this alone. Cause since the day that you were gone. Oh no. We'll be right back. brick house, stopping for attention like a newborn child. You wait by the door just to get a little more. Can't you hear him panting by the bedroom door? They never complain about the cold or the heat. All they wanna do is lay at your feet. If you have a bone or flavor treat, they'll be your best friend until the next food scene. She don't need a reason to play with me. She treats me like a king. Never had a bad thing to say. She never laughs at me. If I ever found a friend, the bridge to nowhere, never had a dare. I know she'd be there right with me. She treats me like a king. Listening to Planet Indie. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. I'm just a step away from walking off the plank. And I'm on the brink of diving into the drink. Oh, you're running through my veins. I'll never be the same. So I'm trusting you to not let me sink. Well, the high tide's pulling me under the sunrise. Cuts me wide open. Every move before it's ever made. Am I just the one you use? Always gone before a wake. Oh, you know the way I'm falling, always calling. You know I got nothing to hide, so I'm trusting you. But I'll never make it out alive. Cause the high tide's pulling me. Make me bleed, only makes me want you more. Running out of air to breathe, never gonna make the shore. Cause the high tide's pulling me under the sunrise. Cuts me wide open, I know my heart is what you hunger. I swim in circles. Cause the high tide's pulling me. Il s'appelle Gerard Fink, c'est une nouveauté Planète Indie, extrait de son EP titre qui s'appelle Criminal. On écoutait le morceau Blood in the Water. Aucun doute, eh bien, que qu'on aura l'occasion de le réentendre dans cette émission et on espère avoir un album complet un peu plus tard, puisque cet EP est déjà sorti en 2015, mais il arrive seulement en Europe maintenant, en tout cas chez nous. C'est seulement maintenant qu'il arrive. D'ici quelques minutes, eh bien, nous partirons à la découverte de notre album Power Play. Si vous étiez avec nous le mois dernier, vous savez déjà de qui il s'agit. Pour les autres, eh bien, il s'agit de King King avec leur album Reaching for the Light. D'ici là, on va encore écouter les Dyslexic Postcards avec The Shakes That You Make et puis Bravo Max avec Shine a Light. Try again. We're gonna stick to the bitter end. You came on in and take a look. Mistakes that were graded equal. From all the mamas to the papas and the drama that has made you feeble. Feeble, feeble, feeble. Oh, though we try again. We're gonna stick through thick and thin. You came on in. Yeah. Voilà, à l'instant dans nos oreilles, c'était le groupe Bravo Max avec Shine a Light, et avant cela, les Dyslexic Postcards de Shakes That You Make. Il est l'heure maintenant de passer à la découverte de notre album Powerplay. L'album Powerplay, donc, pour cet épisode 379 de Planète Indie, eh bien, il s'agit de l'album Reaching for the Light du groupe King King. King King, c'est un groupe écossais, c'est un quatuor formé en 2009. Il est formé de Alan Nimmo, de Lindsay Coulson, de Bob Fritzma et de Wayne Proctor. Le leader du groupe, c'est donc Alan Nimmo, le chanteur et le guitariste. Il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'avant de jouer dans King King et de fonder King King, il est là joué avec son frère Stevie au sein du groupe les Nimmo Brothers. Bah oui, puisque ce sont des Nimmo. Alors, le groupe a été donc fondé en 2009 à Glasgow. Le nom de King King, eh bien, il serait, selon la légende, inspiré d'un album du groupe The Red Devils, un album qui s'appelait donc King King et qui faisait référence à un bar à Los Angeles, un bar qui s'appelle aussi, lui aussi, King King. Et puis, en un clin d'œil, il dit aussi que Alan Nimmo dit aussi que le nom de King King, c'est un hommage implicite aux guitaristes B.B. King ou Albert King. Comme c'est un groupe assez jeune, il n'y a pas énormément de choses à dire. Bon, j'ai quand même trouvé 2-3 trucs à vous raconter. Donc, on va déjà cesser la présentation maintenant. On va écouter le premier extrait que je vous propose aujourd'hui. Si vous êtes dans les bouchons pour faire vos achats de Saint-Nicolas, de Noël ou de patati et patata, ça va peut-être vous parler, puisque ce morceau s'appelle Rush Hour. C'est donc extrait de l'album Reaching for the Light du groupe King King. On va tâcher aussi de vous mettre sur notre page Facebook. Je vous invite d'ailleurs à consulter et à nous rejoindre. N'hésitez pas, c'est gratuit de toute façon. On va vous mettre une vidéo d'un de leurs morceaux. Je ne sais pas encore lequel, mais ne vous tracassez pas, on va trouver quelque chose. Voilà, je me tais et je laisse la place au King King, Rush Hour. Power Play. Power Play. From the moment that I wake up to the very last blink of my eye, feels like rush hour. All I need is some peace of mind, and I'll be satisfied, at least for a while. I can't live with the pushing crowd. I wanna run, but I can't hide in the rush hour. All I need is to free my mind from all the warning lights in the rush hour. And I know, yes I know, you believe in me, hey. Push it out, but in this world I can't breathe in the rush hour. Feels like drowning, but I can't reach your hand to pull to safety. Feels like a rush hour. And I know, yes I know, you believe in me. keep me blind, keep me in a cage so I can't see. Feels like a rush hour, reaching for the light, but I'm out of time and I can't breathe in the rush hour. And I know, yes I know, I never knew your touch. après King King, qui est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Cette voix, j'espère que vous la reconnaissez. Et si vous étiez avec nous le mois dernier, eh bien, vous n'avez aucune excuse, puisqu'il s'agit de notre powerplay du mois de novembre 2016. Sari Shore, la nouvelle bombe blues rock. Sari Shore avec Dan The Reason. Et puis, pour la petite histoire, elle est signée par le même label que King King. Donc, ça aide aussi à savoir Manhattan Records. L'artiste suivante, eh bien, va nous permettre de nous calmer un petit peu. Elle est probablement un peu moins connue que Sari Shore. Elle s'appelle Julia Milanta. Elle a sorti un album qui s'appelle Moonbeam Parade. Et on va en écouter le morceau numéro 11, If You Ask Me. Si vous avez bougé, si vous avez dansé, si vous êtes remué sur Sari Shore, eh bien, c'est le moment de vous asseoir, de boire un petit coup et de profiter aussi de la belle voix de Julia Milanta. If you asked me, I would say it wasn't true. I would look you in the eye and lie straight face to you. Underneath those soft white sheets, your hands are cold. If you asked me, I'd said it was a big mistake. Nothing tragic, we always played it safe. I wanted something passionate and sweet. A treehouse in the woods where we could meet. Like a red sky at night, when the fat lady sings. Ask me, it's all said and done. Safe as a kid with a gun. We all want something on the street. Tell me, babe, what do you want from me? Like a red sky at night. Il n'y a pas à dire, hein. C'est un peu plus calme que ce qu'on a écouté tout à l'heure avec King King et Sari Shore. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Julia Milanta et le morceau c'était If You Ask Me. Le morceau suivant que je vous propose, eh bien, il fallait absolument que je le mette dans cette émission parce que je vous l'avais programmé au mois d'octobre pour terminer l'émission du mois d'octobre et puis on a été un peu pris à court de temps. Au mois de novembre, la playlist était faite, il n'y avait plus de place. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je le mette dans cette émission de décembre. Le morceau, il est dû à Raymond Dry Driver, qui est un passionné de musique et qui voulait écrire de la musique. Et puis sur ces musiques, il fallait mettre des paroles, et il a décidé de mettre en musique les poètes de William Yeats. Il a demandé à Laura Wittenberger de chanter et à Payson Moss, eh bien, de jouer le piano, du piano. Vous allez voir, c'est très calme, c'est sympathique, ça s'appelle The White Birds. Musique de Raymond Driver à la voix, Laura Wittenberger et Payson Moss au piano. C'est un peu différent aussi de des choses qui bougent et qu'on entend plus souvent dans cette émission. Hey, this is Derek Thompson from Strive and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Chris from Underwhelmed and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Sasha Papernick and you are listening to Planet Indie. I would that we were my beloved white birds on the foam of the sea. We tire of the flame of the meteor before it can fade and flee. And the flame of the blue star of twilight hung low on the rim of the sky has awaked in our hearts, my beloved, a sadness that may not die. A weariness comes from those dreamers do dabble the lily and rose. Ah, dream not of them, my beloved, the flame of the meteor that goes, or the flame of the blue star that lingers hung low in the fall of the dew. For I would we were changed to white birds on the wandering foam, I and you. I am haunted by numberless islands and many a tan and shore, where time would surely forget us and sorrow come near us no more. So when far from the rose and the lily and fret of the flames would we be, were we only white birds, my beloved, buoyed out on the foam of the sea. Oh, oh, oh, oh. ever need some help with the violin, I'll come running just to be alone with you, have a little rendezvous. But hey, hey, hey, who am I, who am I, who am I kidding? All these messages I've been receiving, I know there's someone who's saying, I wish it was ugly, but I've heard she is lovely. And I hope you too will be happy. But it's such a shame, I was never given the chance to be with you, cause I think you could like me too. Yeah, I think you could love me too. But hey, hey, hey, who am I, who am I, who am I kidding? All these messages I've been receiving, I know there's someone who's saying, I wish she was ugly, but I've heard she's lovely. And I hope you too will be happy, but it's such a shame, I was never given the chance to be with you. Cause I think you could like me too. Yeah, I think you could like me too. Yeah, I think you could love me too. Nous avons été les premiers dans le monde, j'insiste bien, à diffuser Arda and the Stolen Moon, cet artiste chypriote. Là, on écoutait la plage d'ouverture de son album Who Am I Kidding, un album qui s'appelle Minutes into Years. N'hésitez pas non plus, eh bien, aller l'écouter sur son site web. Je suis en train de regarder si j'ai son adresse, mais je ne l'ai pas sous la main. Donc, c'est pas un problème, vous cherchez sur Internet et vous allez la trouver. Nous, on va retourner sur notre album Powerplay aujourd'hui, celui du groupe britannique, on pourrait même dire écossais. Le groupe King King, qui a vu en cette année 2016 eh bien, être l'une des années les plus chargées dans leur agenda, puisqu'ils ont, ils ont été en tournée pratiquement toute l'année. On les a d'ailleurs vus ici dans la région, au festival Blues Express. Si vous les avez ratés, ben, il faudra attendre une prochaine fois. Ils ont tourné en Europe, ils ont tourné en Asie, ils ont tourné en Grande-Bretagne. Ils ont fait notamment aussi le festival du Mind, le Mindra Festival à Mumbai. Donc c'est en Inde. Ça a été une année donc très très chargée. Si 2015 pour eux c'était une année en deux studios, et eh bien 2016 ça a été une année de scène. Et si vous allez voir sur leur site www.kingking.co.uk, vous allez voir que le début 2017 est pas mal chargé non plus. Ils sont aujourd'hui en Suisse et à Bruges, je crois, si je me souviens bien. Et le programme pour 2017 donc commence pas mal jusque fin mars. Ils seront en concert pratiquement tous les jours, avec de nouveau une tournée en Grande-Bretagne et du côté des Pays-Bas. Pour mesurer bien leur statut de bande, de groupe, pas seulement qui monte, mais qui est arrivé presque au sommet, ils ont été nominés et ils ont été introduits dans le British Blues Awards Hall of Fame en tant que vainqueur du concours pour le meilleur groupe 3 années de suite. Donc c'est comme ça qu'ils ont été introduits dans ce Hall of Fame. Ils ont été nominés pour le Best New Band au Roll of Honor. Quoi d'autre? Ils ont eu le meilleur groupe et meilleur album en 2011. Ils ont été le meilleur groupe et meilleur album en 2012, 2013 et 2014 au British Blues Awards. Alan Nimmo a remporté eh bien, le titre de meilleur chanteur et Wayne Proctor celui de meilleur batteur pour ces mêmes British Blues Awards. Donc vous voyez qu'ils sont reconnus de façon assez intensive. J'ai pas encore mis sur la page Facebook de vidéo, je vais le faire dans les minutes qui viennent, je vais regarder à ça. Pour l'heure, eh bien, je vous propose d'en écouter un nouvel extrait. Il s'agit de You Stopped the Rain, donc tu as fait cesser la pluie. Donc si cette personne existe vraiment, je pense qu'on va pouvoir l'engager ici dans la région, puisqu'on est quand même assez des spécialistes de ce genre de météo. Allez, King King, You Stopped the Rain, je vous rappelle le nom de leur album, Reaching for the Light. Power play. Power play. to get me right. I'm sorry, boy, no chance. I just wanna dance. I'm dancing on my own. The heat is on the ground. I'm dancing on my own, 'cause I really wanna feel the beat. Tonight, tonight. The DJ's by my side. ambiance down-tempo lounge avec une autre nouveauté dans cette émission, Drew Beats, qui nous a invité à bien inspirer et expirer, puisque c'est en fait le sous-titre de ce morceau qui s'appelle Hybrid, et donc sous-titré Inhale, Exhale. Bah oui, au cas où on aurait oublié, ça doit être rappelé de temps en temps. Je vous rappelle, j'ai même des collègues, moi, quelque part, qui ont sur leur smartphone des applications qui leur rappellent il y a à respirer maintenant, soulagez-vous. Enfin bon, pourquoi pas, hein, chacun son truc. Il est 17h59 minutes, nous sommes ensemble encore pour 30 minutes de musique indépendante et de musique alternative. J'espère que la programmation de ce soir vous plaît. N'hésitez pas à nous le faire savoir, hein. Vous pouvez nous donner un petit coup de téléphone au 26 54 0044, 26 54 0044, précédé du 00352 si vous nous appelez de France, de Belgique, d'Allemagne, des États-Unis, de n'importe où. Enfin, de partout ailleurs du Luxembourg. Ou alors, vous nous rejoignez sur notre page Facebook et vous pouvez nous laisser un petit commentaire en disant « Ah bah, j'aimais bien ceci, j'aimais bien cela » ou « J'aimais moins ». Enfin, il n'y a pas de souci, tous les commentaires, s'ils sont constructifs, sont toujours bons à prendre. On poursuit avec Infamous et Dream Come True, puis on écoutera Yéna avec son morceau « Call My People » avant de retourner sur notre album Powerplay. Je vous rappelle donc celui de King King avec « Reaching for the Light ». I'm invited. Couple seconds, I'm excited. Yeah. Skip the foreplay, extradite. Come on, past the trees, let it light. Feel so good, can't deny this feeling. Take you home, put your legs to the ceiling. When I met you, girl, you look so appealing. Come on, heavy floating, and I'm thinking I like it. Baby girl, you know you got me so excited. I wanna make it last, so I got to fight it. You get up on your knees and look so invited. And when I try to leave, girl, you know we fighting. Come on, yeah. It's like a dream come true. I only wanna be with you. You my lover, you my best friend. We be through the weekend. Yeah. I think I'm swimming in the deep. The way she love me, feel it start to creep. It's like a dream come true. Come true, yeah, yeah, it's like a dream come true. Come on, yeah. It's that time, don't you come inside it? What? Taste so sweet, gotta bite it. What? Get on top, let me watch you ride it. Call your girl, she can watch you ride it. Come on. It's what you need, don't you try to fight it. Yeah. We light it, divide it. That's couple seconds, girl, I'm back up inside it. Strip club, we could take it to private. Baby girl, you know you got me so excited. I wanna make it last, so I got to fight. You get up on your knees and look so invited. And when I try to leave, girl, you know we fighting. It's like a dream come true. You my lover, you my best friend. We be through the weekend. I think I'm swimming in the deep. The way she love me, feeling start to creep. It's like a dream come true. Dream come true. It's like a dream come true. Baby girl, you know you got me so excited. come true. Surrender, cause the world is right. I'm not weak enough. My little bro hadn't leave where I'm leaving. I'm watching his steps even when he's dreaming. No, I'm not crying, I'm not weak enough to see what's happening in my hood to my dragon cops. Little boys trying like the way he drug is. Little girls trying look like you. Am I just asking too much? We just got. S'appelle Yena X Toffi, elle nous interprétait Call My People, et avant cela c'était le Infamous avec Dream Come True. Je vous avoue qu'on vous a passé la version clean et pas la version explicite, puisque sur son single on a le choix entre les deux. 18h08, retour sur notre album Powerplay pour la troisième et dernière fois aujourd'hui. Je vous rappelle donc qu'il s'agit de l'album Reaching for the Light du groupe écossais King King, un album qui a été coécrit par les quatre membres du groupe et qui a été enregistré dans le courant de l'année 2015 entre leurs différents engagements pour des concerts. En 2016, ils ont reçu aussi, je vous parlais tout à l'heure des récompenses qu'ils avaient reçues. En 2016, ils en ont eu quelques-unes aussi. Allez, Male Vocalist of the Year pour Alan Nimmo, Bass Player of the Year pour Lindsey Coulson, Blues Album of the Year pour l'album donc Reaching for the Light, Blues Song of the Year pour Rush Hour. Rush Hour, je vous ai mis aussi la vidéo sur notre page Facebook, la vidéo officielle, bah oui. Et puis alors Songwriter of the Year pour donc le groupe King King. Donc c'est pas n'importe quoi. Ils avaient déjà sorti auparavant trois autres albums depuis 2011, et puis ça a été précédé d'un EP qui s'appelle Broken Hill, ou Hill, je pense qu'on prononce, qui a été produit par la même équipe de production que celle des Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs et Editors. Donc ça ne pouvait que marcher. Le troisième extrait qu'on va écouter ce soir, ça s'appelle Just a Little Light. Et bah voilà, j'ai tout dit. Ça s'appelle King King et l'album c'est Reaching for the Light. Power Play. Power Play. Planet Indie. Hi, my name is Anya Parker-Lentz, and you are listening to Planet Indie. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. Ain't worked in months, ain't been home in 12. Got myself a room down at the Cecil Hotel. junkies, whores, and vagabonds, infamous clientele. If walls could scream, they would, the stories they'd tell. Before I go to sleep at night, pray the devil don't find me dead. Saint Christopher around my neck, got a Bible near my bed. Yeah, I get down on my knees, pray the devil don't find me dead. I sleep with one eye open and a shotgun by my head. I sleep with one eye open and a shotgun by my head. Headland, wife and kids, drought buried us in red. Every Sunday pray for rain, got clouds of dust instead. Banker tried to take my farm, in a rage I shot him dead. Gonna burn for what I done, kiss my family and I fled. Before I go to sleep at night, pray the devil don't find me dead. Saint Christopher around my neck, got a Bible near my bed. I get down on my knees, pray the devil don't find me dead. I sleep with one eye open and a shotgun by my head. Yeah, I sleep with one eye open and a shotgun by my head. Join a food line and try to find some kind of work if I can. I live among the shadows, no beauty for the damned. I spend my days alone, life of a wanted man. Before I go to sleep at night, pray the devil don't find me dead. Saint Christopher around my neck, got a Bible near my bed. Yeah, I get down on my knees, pray the devil don't find me dead. I sleep with one eye open and a shotgun by my head. I sleep with one eye open and a shotgun by my head. Yeah, I sleep with one eye open and a shotgun by my head. J'aime beaucoup la voix de Lynn Hanson. Elle était accompagnée ici du groupe Les Good Intentions et elle nous invitait à passer la nuit au Cecil Hotel. Et c'est extrait d'un album qui s'appelle Seven Deadly Spins. Allez, on va passer en revue le programme de la Rocale. Nous sommes demain, le 4 décembre. Vous pourrez aller admirer Schoolboy Q. Le 5, ce sera Alice on the Roof. Le 6, eh bien, c'est relâche pour que Saint-Nicolas puisse passer tranquillement dans les foyers des enfants sages. Le 7 décembre, Wax Taylor. Le 8, Skillet. Le 10, ce sera le spectacle Robocalypse, The Game of Artificial Intelligence, qui sera aussi rejoué le 11. Donc le 10 et le 11, bah, c'est des jours assez chargés puisque le 10, vous aurez aussi l'occasion de voir les Belges de Puggy, et le 11, il y a aussi la 13e International Record Fair pour vos CD, DVD et vinyle. Donc le 11, c'est aussi donc la répétition du Robocalypse. Le 12, Marco Mengoni. Le 16, la légende allemande Nena. Et enfin le 22 décembre, en collaboration avec la Philharmonie de Luxembourg, et ça se passera d'ailleurs à la Philharmonie de Luxembourg, Ludovico Einaudi. D'ailleurs, si vous n'avez pas de ticket, c'est trop tard, il y en a plus, c'est sold out. Voilà, et puis après, eh bien, ça reprendra aux environs de la mi-janvier, si je ne m'abuse, pour le One Night of Queen, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler au cours de notre prochaine émission, l'épisode numéro Planet Indie numéro 380 qui se déroulera, j'en profite déjà pour vous le signaler, le premier samedi de janvier. Je vais vous la trouver en vitesse. Ce sera le 7 janvier. Voilà, prochaine émission, le 7 janvier. On va terminer en douceur, tranquillement, et tout de suite avec Jan Alexander. C'est une nouveauté aussi, avec Papa Mum. De Chine et l'enfant une tête en l'air et tous ses non-dits secrets de famille et puis les gens du dehors sourient au monsieur d'abord tu seras vite assez grand pour chercher ailleurs une autre vérité aimer qui aimer quoi pour se sentir vivre, aimer qui, aimer quoi? Papa, maman, aimer qui, aimer quoi? Pour se sentir libre, aimer qui, aimer quoi? Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Ces rencontres incertaines et ces montagnes de peine, l'enfant du fond de son puits cherche l'innocence, la chaleur d'un appui. La vie est trop dure dehors, l'amour est-il réconfort ou illusion planétaire? Le feu de l'amour est-il vérité? Aimer qui, aimer quoi? Pour se sentir vivre, aimer qui, aimer quoi? Papa, maman, aimer qui, aimer quoi? Pour se sentir libre, aimer qui, aimer quoi? Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Sentir vivre, aimer qui, aimer quoi? Papa, maman, aimer qui, aimer quoi? Pour se sentir libre, aimer qui, aimer quoi? Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Voilà, c'était Jan Alexander avec Papa Mam. Nous arrivons à la fin de cette émission et à la fin de cette année 2016. Alors, comme c'est la période des fêtes, il y a aussi eh bien, des chansons spéciales Noël qui sortent aussi. Ça se passe aussi dans le monde indépendant. Donc, moi, je vous en ai trouvé deux pour aujourd'hui. La première, c'est les Nightbirds avec Hear the Angels. C'est un morceau qui n'est pas encore officiellement sorti, pas encore distribué pour être vendu. Ça va se faire dans les prochains jours, mais donc vous pouvez l'entendre en priorité dans Planet Indie, et puis après ce sera John C. Stannard avec Christmas on My Own. Mais donc tout de suite on écoute les Nightbirds avec ce morceau Hear the Angels. Mmh. Musicalement, ça ne fait pas spécialement penser à Noël, mais si vous faites attention aux paroles, je vous assure que c'est une chanson de Noël. C'était les Nightbirds avec Hear the Angels. On va donc se quitter avec une autre chanson de Noël, Christmas on My Own, de John C. Stannard. C'est avec ce morceau qu'on va quitter, en tout cas pour ce qui est de Planet Indie, l'année 2016. Je vous retrouve, je l'espère, en pleine forme en 2017 pour de nouvelles aventures musicales. D'ici là, eh bien, passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite déjà de bons réveillons et puis on se retrouve donc le 7 janvier. Cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je devais vous dire. Je vous retrouve donc en pleine forme le 7 janvier 17h pour de nouveaux épisodes. Le podcast de l'émission sera disponible sur notre site internet et sur notre page Facebook dans quelques minutes. Voilà, bonne soirée, bon week-end et à très bientôt en pleine forme. Seems long and lonesome. The sky is dark and cold. Freedom's not such a pretty word when you're free and on your own. I think of you at the fireside, keeping yourself warm. Don't wanna spend another year at Christmas on my own. You can be on your own in the springtime, in the summer when it's warm and clear. But when you're alone at Christmas, it's the worst time of the year. The road keeps getting longer, more lonesome as time goes by. I know that I should settle down, I believe I'm gonna try. I'm packing up my suitcase, making my way home. Ain't gonna spend even one more year Christmas on my own. Springtime, in the summer when it's warm and clear. But when you're alone at Christmas, it's the worst time of the year. I sometimes wonder what goes on in my mind. Why did I ever go out on my own, leaving you behind? I remember times together, now I'm here alone. Don't wanna spend another year a Christmas on my own. Don't wanna spend even one more year a Christmas on my own.